Robert Perry. Ladies and gentlemen, don't drink and drive. This is Radio Caroline, the home of the British music explosion. 10% of road accidents are caused by drunken drivers. From the standard model to the automatic zigzag, there's a Novum machine for every woman. Novum is the answer to every woman's dream. Can you tell me where my country lies? Bright the uniform to his true love's eyes. He lies with me, bright queen of maybe, for her merchandise we trade in his price. Paper lace, cried a voice in the crowd. Résumé des chapitres précédents, nous avons démarré en beauté cette année, cette première émission de Bande à Part, c'est Bande à Part l'émission du rock progressif pour ceux qui émergent tout doucement. Nous avons donc démarré avec un document de toute beauté à mon avis, donc un Marillion de 85, enregistré à Lyon par notre ami Jeff, on le remercie au passage, un large extrait de Miss Place Childhood. Il y a un clin d'œil très fort dans ce morceau, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui comprennent pas l'anglais, il y en a encore. Eh bien, il y a un clin d'œil donc à Lyon. Et oui, notre ami Fish, à un moment, se promène à Lyon, The Sky Was Bible Black in Lyon. Il rencontre une Madeleine, et puis bon, ils vont faire des choses un petit peu louches, dans une chambre, et elle lui dit, j'entends ton cœur. Voilà, ça c'est notre séquence culturelle. Marillion, donc, Miss Play Childhood de 85. Ensuite, nous avons continué avec un premier extrait de Surprise is Ready. Là, il y a aussi une filiation évidente. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas m'empêcher de passer un Genesis après un Marillion et vice-versa. Surprise is Ready, c'est une compilation, un hommage, un tribute, comme on dit, dans notre langage de spécialiste. Vous savez qu'il y a eu un hommage de ce style au Floyd. Il y a eu un hommage de ce style également à Yes, et voici donc maintenant un hommage à Genesis, Surprise Ready. Vous entendrez trois extraits, pas moins, trois extraits donc de cette compilation lors de cette émission. Le premier, c'était Robert Berry qui nous a repris Watch of the Sky. Vous avez vu une superbe reprise, moi j'ai adoré. Ensuite, vous avez eu le plaisir, l'honneur et l'avantage d'écouter en avant-première England. England, c'est un deuxième album. Souvenez-vous, ce tout petit groupe anglais, comme son nom l'indique, qui en 77 a sorti un premier album, Garden Shed, qui est devenu vraiment une denrée très rare, une espèce de graal pour les progueux que nous sommes. Un album donc recherché, très très peu distribué, même s'il était sorti à l'époque chez Arista. Enfin réédité par nos japonais il y a 3-4 ans. Pour dire comment c'était dur de le trouver, ce disque a été réédité, ce laser a été réédité à partir d'un vinyle, et oui, on n'a pas pu retrouver les bandes de l'époque. Il n'empêche que le groupe est encore vivant, en tout cas les musiciens, puisque le groupe s'est dissous, et les musiciens ont eu le plaisir d'éditer sur laser, de coucher sur un laser, un deuxième album de 77, de la même époque, qui était resté inédit, et pour cause, puisque c'était la pleine période punk qui avait balayé notre cher progressif. Donc, je disais England, The Last of the Jubilees. Jubilees, ça s'écrit J-U-B-L-I-E-S. Voilà, le dernier des Jubilees. C'est sur un petit label qui s'intitule Vinyl Tap Records. Voilà, c'est British. Vous pourrez toujours m'appeler ou m'écrire si vous voulez d'autres informations. Voilà donc pour ce démarrage. On va continuer avec toujours une vieillerie. Vous savez que j'aime bien démarrer avec des vieilleries, histoire de resituer un petit peu les bases du progressif, de faire une petite révision, quoi, en début d'émission. On va continuer donc avec O'Quinn, une vieillerie de 87, ça a presque 10 ans. C'est un album qui s'intitule Lévitation, et un morceau qui est un peu un morceau phare de ce brave O'Quinn qui multiplie les albums, c'est incroyable. Who's gonna win the war? Qui va donc gagner la guerre? J'en sais rien, en tout cas, j'espère qu'il gagnera votre estime, vous allez voir, c'est superbe. O'Quinn de tout de suite. Loud, loud and loud. Follow on to the thrill. O'Quinn sur le 90.7. Thank you. Un petit problème technique est à la cause de ce choix de morceau. Et oui, je vous avais promis Who's Gonna Win the War. Vous avez entendu Levitation. C'est pas grave puisque c'est le titre éponyme, c'est le titre de l'album et le titre du morceau. Et c'est un morceau très fort et très représentatif de cet album de 87. On continue dans le représentatif avec un deuxième extrait de Supper Is Ready, donc cette compilation hommage à Genesis, avec notre belle Annie Aslam. Et oui, elle avait déjà frappé très très fort sur la compile en hommage à Yes. Elle frappe très fort aussi, peut-être un tout petit peu moins, mais c'est quand même de très très haut niveau. Je rappelle pour les néophytes et les béotiens que Annie Aslam, c'était l'ex-chanteuse de Renaissance, qui paraît-il reprendrait du service. Voilà donc une reprise de Genesis qui est superbe, Ripples, cet extrait de The Trick of the Tail, tout de suite sur le 90.7. Got pretty blue eyes. For an hour a man may change. For an hour her face looks strange, looks strange, looks strange. Marching to the promised land, where the honey flows and takes you by the hand, pulls you down. Yeah. superbe, c'est du cristal. Annie Aslam, donc un deuxième extrait de Supper is Ready, cet hommage, ce tribute au Genesis, au grand Genesis progressif. On termine les petites vieilleries avec un groupe italien réédité, qui est très proche d'ailleurs d'Annie Aslam, qui est très proche de Renaissance, donc qui est une nénette qui chante, beaucoup de claviers, de piano, etc., très romantique, très doux, etc., très éthéré. Un groupe donc italien qui s'intitule Apotheosi. Pour ceux qui ont acheté, dévoré, lu, appris, récité par cœur leur Storia di un minuto, vous savez ce petit bouquin édité par Acid Dragon sur le rock italien, qui est d'ailleurs épuisé d'ailleurs, qui a très très bien vendu, qui a très très bien marché, eh bien diront, ah oui, je me souviens, c'est un groupe de 75 qui avait sorti un unique album, qui était resté totalement introuvable. Eh bien voilà, notre ami de Melo Records, Moroni, Moro Moroni, a eu la très bonne idée de le rééditer en laser. Et c'est très très chouette. Vous allez voir, ça a pris un petit peu de quelques rides, mais c'est pas gênant, parce que ça rajoute un petit côté romantique, un petit côté bien sympa. Un peu comme les films de James Ivory, vous savez, qui nous présentent la vieille Angleterre du début du siècle, avec ce côté un petit peu passé suranné. Vous savez, cette Angleterre victorienne, à la fois bouillonnante et en même temps puritaine. Eh bien, on retrouve pareil cette patine qui rajoute un peu et qui est bien agréable. Apotheosi, c'est une apothéose, oh oui, pas loin. Sur le 90.7, je vous rappelle, vous écoutez toujours, bande à part, l'émission du rock progressif. Thank you. C'est la vie de bohème. Non, on remet ça, hein, c'est trop joli. Allons-y. Allez, chef. Un, deux. C'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans. Mais que nous venons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout. Et on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Deuxième partie de cette émission, après donc Apotheosi, les petits Italiens, un album qui s'intitule pareil de 75, édité par Mello Records. Deuxième partie donc de cette émission avec les nouveautés vraies, quoi. C'est-à-dire les petits jeunes qui montent au créneau, qui montent au front du progressif. On démarre très très fort avec deux extraits de deux albums, carrément. Il m'est arrivé dans la boîte aux lettres cette semaine un groupe allemand qui s'appelle IQ. Alors on ne rit pas, on ne se rit pas, ça n'a rien à voir avec le groupe british, le grand groupe british de Peter Nichols. Ça s'écrit ICU, ICU, XCU. Donc, ils ont sorti, ces Allemands, c'est un jeune groupe allemand, ils ont sorti coup sur coup deux albums, enfin coup sur coup, en 93 et en 95, deux albums. Un premier qui s'intitule Moonlight Fleet, dont on va entendre un extrait, qui est sympathique, il y a déjà bien de belles choses là-dedans, de la recherche, c'est du très bon néo-prog, quoi, qui prend des risques. Ensuite, on écoutera leur nouvel album dans 95 qui s'intitule Now and Here, maintenant et ici. Et alors là, je vous conseille une seule chose, c'est prenez une cassette, enregistrez, vous allez voir, c'est super. C'est sans conteste le meilleur disque du mois, à mes yeux. Voilà, ICU, IQ si vous préférez, en exclu, sur bande à part. Et c'est tout, quoi. Prenez garde, vous allez voir, c'est superbe. Thank you. complicated. At 1 a.m. it had to be isolated, isolated from the outer buried in concrete and lead. Sticks on fire are glowing in the deep dark grave.